il n'y a pas de question. Tu as dit des choses, mais il n'y a pas de question. D'accord. En ce qui concerne le cher Faisal, je vous avais répondu la fois passée, mais la sœur dit qu'elle n'était pas présente. Je vous ai répondu pour vous dire que c'était Inch'Allah ta'ala, un cher salafi, et que vous pouviez prendre un sabou kadalik, ou alors qui Allah adam, d'après des gens salafis qui le connaissent bien. Allah ta'ala adam. Pas de prendre mes